Chaeryong-hee, membre du comité permanent du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du travail de Corée, s'est entretenu le 27 mai au palais des congrès de Mansudae à Pyongyang avec la délégation du Front de libération du Mozambique conduite par le secrétaire général LCO Joachim Machava qui a rendu une visite protocolaire. Le secrétaire général s'est exprimé convaincu du développement continu des relations d'amitié avec le Parti du travail de Corée et a souhaité santé au maréchal Kim Jong-un, dirigeant suprême du peuple coréen, et de grands succès dans son travail.